L'adoption de la décision à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung sur la rebaptisation de l'Union de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste a été rapportée les 29 et 30 août dans divers pays. Ce sont les agences de presse TASS et LIA Novosti, la NTV, la télévision Shen'en, la télévision Russie 24 et la Centre Télévision de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle et la télévision satellitaire Phoenix Hong Kong de Chine, l'UPI des États-Unis, l'agence de presse d'Internet de Mauritanie Ijishad et le homepage d'Internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée. Les masses médias ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.